Nous approchions de l'hiver, la nuit tombait vite, les terrasses se dégarnissaient tandis qu'au premier étage, Madame Roberts allait de mieux en mieux, riait à mes blagues, me faisait rire aux siennes, et quand elle me demandait comment vont les maréchaux, je me disais que le bout du chemin, ben il était proche à toucher du doigt. J'avais obtenu qu'elle gardât toujours en permanence dans son sac de toile mes coordonnées téléphoniques, me souvenant de l'appel des flics, même si je ne voyais pas trop ce qui pouvait lui arriver de mauvais tant qu'elle ne bougerait pas du transat. Elle avalait beaucoup de médocs de toutes les couleurs. Les boîtes étaient alignées en rang d'oignons sur la table basse, des trucs pour dormir, d'autres pour affronter le réveil, puis des plus mystérieux qui étaient censés l'attirer du gouffre. Je ne posais pas de questions, le sujet était tabou. Mais quand je lui conseillais d'appeler sa fille, dont l'absence lui pesait sur le moral, elle me disait que ça devenait compliqué, à cause des médicaments, que c'était seulement au réveil, très tôt, après la petite pilule bleue, qu'elle se sentait assez en forme pour lui parler, l'écouter, bref, papoter entre mère et fille, mais qu'à cet instant, avec le décalage, il était 2 heures du matin aux Antilles. La gamine dormait profond, pas très disposée au papotage. « Je ne veux pas qu'elle me voie dans cet état, disait-elle. Les gosses devinent tout, mais interprètent mal. Si mon élocution est trébuchante, elle en déduira que je suis ivre. » Ce n'était qu'une question de temps. Bientôt la maladie serait en fuite, poursuivie par une horde sauvage de petites pilules agressives. Bientôt. Déjà, elle avait accepté de sortir dans la rue en ma compagnie. Une première fois, sur ma proposition, et pas très loin, elle avait fait quelques achats, dont une bouteille de rhum, ce qui m'avait étonné. Mais tout de suite, elle avait fait taire mes craintes, « Ce sera pour fêter ma guérison, » avait-elle dit. « Je vous préparerai un planteur à ma façon. » Une deuxième, elle avait insisté pour être accompagnée jusqu'au viaduc. Sur le coup, j'ai pas pigé, trop heureux de marcher avec elle. Et au retour, elle a contourné une rue que traversaient des câbles électriques en prétextant à la malédiction de Vulcain. Maintenant, je sais. J'avais repris l'écriture sans enthousiasme mais avec une discipline de légionnaire. Une heure quotidienne, en fin de journée, derrière l'émission du soir. Pas de quoi pisser beaucoup de copies. C'était une espèce d'autobiographie sans ordre chronologique, mêlée d'une fiction absurde et un peu déjantée. Je ne voulais surtout pas aboutir trop vite à Madame Roberts. J'avais juré. Alors la fiction devenait de plus en plus épaisse et absurde, seul moyen de ralentir l'allure. Elle avait un autre avantage, cette fiction, et pas des moindres, elle se nourrissait des événements réels, les avalait, les ruminait, puis les transformait, du recyclage à leur. Mais je ne me contentais plus de violenter Houellebecq. Si mes colères se transformaient en coups de poing, ma souffrance, elle, allait jusqu'au crime sordide et crapuleux. Fracassait des crânes à coups de batte de baseball, arrachait les yeux d'un chien prénommé Zette, un cornu engraissé avec des pains au chocolat, qui ne sentait pas bon. L'éventail était large. Je ressentais comme une sorte d'apaisement. Avec la fiction, je planais mieux et surtout beaucoup plus haut qu'avec des petites pilules multicolores. C'était la danse de Saint-Guy au-dessus du clavier, une transe vaudou et enfin la délivrance. Chier une bouse derrière un mauvais rata. Parce que, faut pas se mentir, à l'époque j'étais presque aussi givré que mon petit moineau. Une dinguerie kiff-kiff en échange. Le partage, quoi. La grande solidarité des loques-dus. Les paumés du sentiment qui se regardent mais ne disent jamais rien. Pas comme les autres, là-bas, qui s'aiment en fanfare et se quittent à la cloche de bois, la queue entre les pattes. Je ne dormais pas très bien la nuit, réveillé à la moindre alerte. Le grincement d'un meuble derrière la cloison résonnait tel un vacarme. Une sonnerie lointaine, chez les voisins, me tirait des draps, angoissé d'un appel d'urgence. Les flics ronchons, le SAMU énervé, des paralostos dans la nuit noire à toute berzingue. Monsieur Maréchal, que je croisais de temps à autre, réclamait toujours de ses nouvelles. « Et comment va votre cher ami ?» demandait-il. « Alors tu devines, hein ? Je fonçais sur l'occasion, pouvoir parler d'elle, embellir ses qualités qui étaient nombreuses, vous savez. Amoindrir la maladie, rien que du surmenage lié à la vie quotidienne, sans à l'heure, tout le temps, ça finit par user, que c'était l'époque qui voulait, hein ? La maladie du siècle. Ces phrases toutes faites. » Qu'on nous rabâche à longueur de temps, ce gris qu'on nous tartine, t'écoute pas mais tu les files en poche et hop, au moment tu dégaines. » Il hochait la tête, monsieur Maréchal, l'air grave et soucieux, puis chacun rentrait chez soi. Ici, dans ce couloir étroit et sombre d'immeuble, elle était ma chère amie, l'absente, dont nous parlions presque à voix basse, monsieur Maréchal et moi. Plus bas, devant la loge de Madame Bron, elle devenait l'amoureuse nostalgique d'un officier polonais disparu dans la tourmente d'une guerre. À la bibliothèque municipale, sur les petites fiches cartonnées de Madame Fargeau, elle restait et resterait sûrement à vie, Madame Roberts. Bien sûr, je connaissais son prénom maintenant. Quand les flics m'avaient téléphoné, ils avaient balancé l'identité complète, et ensuite, à l'hôpital, les infirmières, tout pareil. Pouvait pas m'échapper longtemps. Je n'avais rien dit. Je continuais à lui donner du Madame Roberts, quelquefois Miss Roberts, prononcée à l'anglaise, pour la déconne, lui soutirer un petit rire. Mais dans le silence et la solitude de l'appartement, au hasard des ruelles, accroché au caddie de Monoprix, dans les chemins de la bibliothèque, partout, à tout instant, je tournais en bouche ce prénom délicieux qui avait le goût du bon bec à la menthe, tu te souviens? Un goût frais, sucré, rien que du bonheur au palais, rien que du savoureux inépuisable, une saveur longue durée jusqu'à maintenant, bien décidée. Pourtant le prénom, il n'aurait pas dû être grand-chose dans cette histoire, il ne la rendait pas plus belle. Chaque jour on croise quelqu'un dans la rue ou ailleurs, des regards s'échangent, des regards dans lesquels on peut trouver une montagne de possible dans un éternel absolu. Rarement un prénom. Mais voilà, c'était le sien, beau, lumineux, mélodieux. Colette n'était pas revenue, mais elle m'écrivait de longues lettres en petits mots serrés, qui débordaient sur la marge pour ne rien perdre, et je les trouvais plus longues que d'habitude, les lettres, comme si la frangine pressentait un truc pas clair, éprouvait la nécessité de me tenir chaud, comme aux premiers hivers, quand elle m'accrochait une laine autour du cou, en préambule. Ces bafouilles, elles étaient pas bénies pour moi, tu devines. Encore une façon de parler d'elle, de répondre à des questions qui n'avaient jamais été posées, que j'étais inquiet de sa santé fragile. Un œdème de Kuing plus costaud que les antibiotiques. Des nausées matinales. Non, non, elle n'était pas enceinte. Juste une légère dépression due au stress de la vie active. Parce que j'ai rien de domaine agricole spécialisé dans le bio. C'est coton, hein? Et je lui balançais son prénom à toutes les pages, élue femme de l'année, médaillée du mérite, sainte au calendrier. Mes lettres étaient aussi longues que les siennes, sinon plus. Mais je devais me méfier, relire plusieurs fois, vérifier chaque phrase, parce que j'avais tendance à me mélanger les pinceaux. Je me souviens au début, elle m'avait demandé en PS « Que vient faire Houellebecq dans cette histoire ?» Difficile à justifier. Et bien qu'une nuit, patatras, la sonnerie du téléphone, comme un tocsin, je m'extirpe, décroche. Bah oui, les flics au bout du fil, rebelote. Mon petit moineau avait été conduit aux urgences, pimpon, gyrophare bleu. Il me demandait de passer au commissariat avant l'hôpital, des renseignements à fournir. Mais aucun à me donner dans l'immédiat, pas par téléphone. Je pouvais passer tout de suite ou attendre le matin, il comprendrait. Moi, je ne comprenais pas, et je voulais savoir. Tu vois le bazar. J'ai foncé au commissariat. Là-bas, l'ambiance était peinarde. Comme souvent la nuit, une somnolence en alerte. Le flic de l'accueil tapait un rapport, les autres le carton. Ils ont arrêté en me voyant pas laver, pas peigner, les yeux hagards, les mains tremblantes. Je suis resté là-bas une grande partie de la nuit à essayer de comprendre. C'est un officier de police en civil qui m'a reçu. Il était de permanence et s'était rendu sur place. Bon, c'était couru, hein, sur le viaduc. Qu'ils l'ont trouvé, mon petit piaf. Les chevilles liées par une corde, une bouteille de rhum à ses côtés, enfin un cadavre de bouteille, prêt à faire le grand saut. C'est un mec en bagnole qui l'a vu dans ses phares, alerter les secours. Il n'en savait pas beaucoup plus. Impossible de tirer deux mots à la femme, alors ses chevilles ligotées, on pouvait se poser des questions. Et bien vu qu'il n'y croyait pas des masses, que ce qu'il avait constaté ressemblait plus à une tentative de suicide qu'à une tentative de meurtre. Mais comme elle n'avait rien dit, normal, il voulait en savoir plus sur la femme et peut-être étais-je en mesure de donner des informations. Ben voyons, j'allais pas balancer mon petit moineau, raconter sa vie, son mal-être, comme ça, tout déballer à un inconnu qu'on n'avait rien à foutre, qui voulait juste boucler son enquête, aussi ouverte, aussitôt fermée. Les désespérés qui se jetaient du viaduc, tête première dans le vide, on en comptait plusieurs chaque année. Elle n'avait pas sauté. J'apprendrai plus tard son attente, après avoir bu toute la bouteille de rhum, la trouille qui s'empare d'elle, l'ivresse qui se dissipe peu à peu. Elle avait pensé très fort à sa fille. Elle n'en dira jamais plus. Je ne demanderai jamais rien. Déjà bien assez douloureuse la sensation de complicité, l'achat de la bouteille de rhum en pleine déprime, et surtout l'accompagnement jusqu'au viaduc quelques jours avant. Tout ça faisait un peu pousse au crime, hein? je n'avais rien vu, rien pressenti, qui pourrait croire? En matière de déni, je n'avais rien à lui envier. Si elle refusait toujours de se croire malade, quand elle était perchée au premier étage, flamenco et potager bio, de mon côté, j'avais également presque toujours refusé de voir ce qui pourtant crevait les yeux. Qu'elle était sous l'emprise d'une maladie infernale, comme possédée par mille démons. Au premier étage ou au sous-sol, le mal sévissait, différent dans sa forme, franco de porc ou faux cul, mais c'était du kiff-kiff quand au final, une dinguerie épaisse, imprévisible, un truc qui pouvait te péter à la gueule n'importe quand. J'avais trop espéré du temps, des médocs, de ma présence aussi, de mon amour. Il y avait du naïf là-dedans, ou de l'ambition trop élevée pour mes petites jambes. Puis il faut pas oublier que je devenais dingue moi aussi, contagion à tous les étages, du premier au sous-sol. Avec un regard amical, le flic me dit que je pouvais rentrer chez moi, finir ma nuit. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte, j'allais sortir et puis, va savoir pourquoi, j'ai fait demi-tour et j'ai lancé. Elle a des ennemis, Madame Roberts, et cette histoire de cheville ligotée, vous ne trouvez pas ça intriguant? Il a relevé la tête, les yeux amicaux sont devenus ronds comme des billes. Quel genre d'ennemis? Au moins, son ex-mari, une sorte de métèque, qui a jamais accepté le divorce. Et il a un nom, ce monsieur. Welbeck. Il a fait une drôle de tronche, Colombo. Welbeck, comme l'écrivain, tout pareil. Bien, je vais enregistrer ce que vous me dites, et je vous tiendrai au courant. Vous pouvez disposer. Sûr, il n'a pas cru un mot de mon délire, le gradé. Je connais la procédure depuis un bail. Une déclaration, elle s'enregistre à chaud, devant le déclarant. Et après, il doit poser sa griffe à côté, avec le coup de tampon en sus, estampillé à réglo la déposition. Sinon, c'est du flan, de la contrefaçon pareille, Madame Bron. Je suis rentré chez moi à pied. La route n'était pas longue. Rien n'est long dans cette putain de ville, je me répète. De la naissance au corbillard, tu peux tout faire à pince. Vivre, aimer, mourir, entre quatre murs. Il faisait frisquet, pas un chat dans les rues. Le clocher de Saint-Sauveur a cogné ses six coups, j'accélérais le pas, relevais le col. Le bon bec à la menthe tournait dans ma bouche, toujours frais et délicieux, mais avec en plus un petit goût d'amertume. Dans le hall, Madame Bron était invisible, la connasse. Copiait tout sauf les horaires. J'ai pris une douche brûlante. Je voulais pas m'endormir. Malgré son ignorance, le flic m'avait donné quelques pistes. Madame Roberts avait été conduite aux urgences, et comme elle ne semblait pas souffrir de blessures physiques visibles, après quelques examens de contrôle, elle serait dirigée vers un service psychiatrique, conséquence de la tentative de suicide. « C'est ce qui se fait habituellement », avait-il conclu. J'avais donc au moins 8 heures à tuer avant de la rejoindre. Car s'il y a une chose que je savais aujourd'hui, en toute certitude, c'est qu'à l'hosto tu visites jamais le matin. Au premier bruit de chasse d'eau chez les maréchals, j'ai patienté 30 minutes à coups de café noir, puis je suis allé cogner contre la porte. J'avais trop envie d'en parler, de demander un conseil. Il était toujours de bons conseils, M. Maréchal, et sa femme, quand elle se contentait de sourire en silence, c'était aussi un bon conseil. Je ne me souviens pas de tout, mais j'ai dû déblatérer pas mal de conneries. Je saurais jamais, ils sont trop discrets, ces gens-là. J'ai dit que mon ami, puisqu'il l'appelait ainsi, avait fait une chute qui aurait pu être grave sans les branches d'un arbre pour amortir. Elle ramassait des graines, rapport à son potager bio. Il est en pleine expansion, le jardin, vraiment, une réussite. À l'occasion, elle vous apportera des fraises. Bien meilleures que les fraises d'Espagne, hein? Faudra rien dire, Madame Bron, elle dénoncerait. Mais d'abord, elle devait se faire soigner, prendre du repos. On n'a qu'une vie, hein? Faut pas gaspiller. Monsieur Maréchal a proposé de me descendre à l'hôpital avec sa Citroën Saxo. J'ai refusé. C'était beaucoup de dérangements déjà, et ici, vous savez, la ville est si petite, tout peut se faire à pied. Madame Maréchal m'a posé une boîte de chocolat dans la main. « Nous, on en mange trop », qu'elle a dit. « Ça lui redonnera des forces. » Un peu avant 14 heures, j'ai quitté l'appartement, la boîte de chocolat sous le bras, j'ai traversé la vieille ville, descendu la rue Chateaubriand, adressé un signe de la main à Momo, qui prenait l'air à la fenêtre de sa belle maison, le Momo des jours anciens, fringué notable du Rotary Club. Il me semblait l'entendre me dire « Bon courage, camarade », avec la voix de Momo le clochard. Il était là, le courage, mélangé à la joie de revoir sain et sauf mon petit moineau défait, quelques plumes en moins, peut-être, mais les ailes intactes, et la crainte d'arriver trop tard. Elle ne m'attendait plus, barrée ailleurs, très loin. Ce service psychiatrique évoqué par le flic Il me foutait une trouille de tous les diables, des pétoches à se chier dessus. C'est que j'étais passé par là, mes Zig, avant de virer Clodo. Je pouvais pas oublier le séjour à Sainte-Anne, les piqûres d'aldol dans le cul qui te faisaient pioncer jour et nuit. C'était plus du sommeil, putain, c'était de l'hibernation entrecoupée de riz béchamel. Bouffer, dormir, tu faisais que ça, bon Dieu, et que des mauvais rêves en prime. J'ai souvenir d'une grosse femme, énorme, jeune encore, dans la chambre d'à côté. Les infirmiers l'appelaient la belle au boyau dormant. Elle allait sans cesse du lit à la gamelle, de la gamelle au gog et des gog au lit. Un petit voyage sans surprise, mais parfois elle ratait une étape et c'était toujours celle des gog, aux grandes dames des blouses blanches. Là-bas, ils mélangeaient hommes, femmes, sans se soucier de copulation sauvage, cause que les piqûres dans le cul faisaient pas bon ménage avec la libido. Fallait empêcher ça, coûte que coûte.